C'est tous les jours la même merde, ce qui m'en veut. C'est tout le temps les mêmes mecs. Faut qu'on se sorte, sur pépi j'ai besoin d'air. C'est pour ce qui passe les parages avec les couilles pleines d'air. En ce moment, c'est tous les jours la même merde, ce qui m'en veut. C'est tout le temps les mêmes mecs. Faut qu'on se sorte, sur pépi j'ai besoin d'air. C'est pour ce qui passe les parages avec les couilles pleines d'air. Dans les mariages, quand y'a enterrement, ils s'arrachent. Depuis moi, j'étais pas riche contre les gens, y'avait pas de rage. Y'a plus rien qui me stoppe, dans le rap, pas dans le stup. J'ai plein de sons en stock, j'suis pas la star quand c'est des tubes. Ça fait tu, que leur hypocrisie me tue. Dis-leur que j'suis le même, avec un peu plus de thunes. J'vous le dis, j'fais plaisir à des gens qui ne valent qui. J'ai connu plein de mecs qui m'ont dit t'inquiète, on y va, je tire. Sachez que moi, je fais pas ça, malgré tout mon passé. Justement, j'prie le bon Dieu pour eux quand j'vois des bâtards passer. Ils peuvent pas m'arrêter, l'ovni est fait pour brasser. C'est soit ils me tuent, soit ils se mettent de mon côté, ils me refont les lacets. Plus que je viens de me faire chauffer, je vais au tabac, je prends CBD. Si tiens pas mon sang, fais pas semblant, dis-moi c'est pété. Ils font que s'inquiéter, pour faire un promo, ils demandent comment niquer Joule sur ta GPT. C'est tous les jours la même merde, ce qui m'en veut. C'est tout le temps les mêmes mecs. Faut qu'on s'en sorte, sur pépé j'ai besoin d'air. C'est pour ce qui passe les parages avec les couilles pleines d'air. En ce moment, c'est tous les jours la même merde. Ce qui m'en veut, c'est tout le temps les mêmes mecs. Faut qu'on s'en sorte, sur pépé j'ai besoin d'air. C'est pour ce qui passe les parages avec les couilles pleines d'air. Y'a plus de sympathie. Font les marques sur internet alors qu'on habite à 5 pâtés. De maison, j'ai dû changer de maison. Plus de nerfs dans mes sons. Partirai, j'ai dû me faire une raison. J'veux que ma famille soit aisée. Sortir plein d'albums par an, y'a que ça pour m'apaiser. Calcule pas la vitre, j'vais pas la baisser. J'ai la mienne donc j'passerai pas derrière elle que t'as baisé. Tu me fais le haut faux cul, c'est dommage t'apprécier. T'as vu ce que je vis, j'aurais pu même après ça. J'ai arrêté la bio, pour moi ça va mieux. J'peux plus mettre du DP, ils me reconnaissent. Comment j'm'habille. Fais gaffe à ta famille, fais gaffe à tes bébés. Fais gaffe à qui tu te confies quand tu as des bobos. Premier sous Spotify. Indépendance. 8 500 000 ventes. La concu je la vois pas. La vie partie d'échec. Tu peux sauter comme un pion. Dans les décollages, cru que j'allais mourir dans l'avion. Dans la force à Bertrand, il te la rend en cagant. J'ai pris un moto pour déguster en cabrant. C'est quoi ce monde de fou, ouais, tous les jours j'en apprends. Le jour où je vais serrer, ça sera pire qu'un ouragan. En ce moment, c'est tous les jours la même merde. Ce qui m'en veut, c'est tout le temps les mêmes mecs. Faut qu'on s'en sorte, sur pépé j'ai besoin d'air. C'est pour ce qui passe les parages avec les couilles pleines d'air. La même merde, ce qui m'en veut, c'est tout le temps les mêmes mecs. Faut qu'on s'en sorte, sur pépé j'ai besoin d'air. C'est pour ce qui passe les parages avec les couilles pleines d'air. Yeah.